Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Charles Hoth. Salut Charlotte, comment tu vas ? Salut Sofiane, ça va et toi ? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Bah il était temps quand même, ça fait 3 fois que tu me proposes, donc il était temps d'accepter, ouais. Mais tu sais, quand on aime, on ne compte pas. Et il y a des gens, tu sais, je veux qu'ils soient dans le podcast, vraiment. Donc, quand on s'est vu, on en a parlé 3 fois, ouais. On a enfin réussi à caler quelque chose. Mais c'est vrai que ça fait 3 fois qu'on se dit, mais punaise, il faudrait faire un épisode, quoi. C'est ça. Bah, on en a partagé une, hein, galère, tous les deux, sur une scène qu'on a partagée, je ne sais pas si tu te souviens, avec des coulisses magnifiques. Et ouais, effectivement, c'était cool. Tu te souviens, le serveur ? Non, les gens du public qui parlaient plus fort que nous. On avait une table qui n'en avait rien à taper. Ouais. Ah, et le reste, je trouve, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que le reste était plutôt bienveillant. Ouais, le reste était hyper bienveillant. Il y avait cette table de 4 là qui parlait plus fort que nous, et on a été obligé de leur dire, mais en fait, juste, vous voulez pas aller dehors, comme ça, on se fera moins chier, vous, nous. C'était horrible. Ouais, horrible, horrible. Vive le public. Oh bah oui, bah c'était une galère qu'on a vécue en commun, c'est vrai, et franchement, c'était une belle soirée quand même. Moi, je trouve que dans la balance, finalement, ça reste en positif, tu vois. Mais grave, on s'est poilé, et en fait, les gens, t'as raison, étaient hyper bienveillants, et c'était cool, quoi. Bah, il n'y avait que cette table-là, qui, clairement, on l'a compris, ils n'étaient pas venus pour le spectacle, ils étaient venus pour... ils étaient juste venus pour boire, bouffer, et puis se retrouver entre eux, en fait. Oui, en fait, ils voulaient discuter entre potes. Je crois que c'était des nanas. C'était genre 4 nanas, c'est ça ? Ouais, 4 gonzesses, ouais, exact. Voilà. Et franchement, c'était, ben, tu sais, elles étaient gentilles comme tout à la base. Et après, elles se sont mises à parler. Et du coup, ça parlait, ça rigolait et tout, machin. Alors, si elles avaient rigolé à mes vannes, je l'aurais pas mal pris. Mais là... Mais exactement, c'est ce que j'allais dire. On a clairement compris qu'elles n'en avaient rien à foutre de toi, en fait. C'était un peu le principe. Et ouais. Le fait qu'elles rient entre elles, je trouvais que c'était de la concurrence déloyale, tu sais. Voilà. Ouais, je suis un artisan. Je suis un artisan du rire. Je veux dire, je suis désolé, mais tu vas pas chez un boulanger avec ta pâte à pain dire aux gens, venez goûter ma baguette, tu vois, voilà. Ça marche pas, je suis d'accord. Je respecte. Donc, elles sont venues, elles devaient écouter mes blagues. Le rire ne doit émaner que de mes blagues à moi. Je suis désolé, c'est pas égoïste, c'est artistique, voilà. Non, c'est artisan du rire. J'aime beaucoup, je pense que tu vois, ça peut faire une baseline. Tu vois, je suis artisan du rire. Je trouve que c'est classe. Mais c'est plus stylé que de dire je suis clown ou comique ou tu vois. Ouais, bah, c'est surtout qu'ils ont un diplôme. Hein. Artisan du rire, t'es pas obligé. J'avoue qu'à ce niveau-là, oui, artisan du rire, ça reste assez, stylé pour être respectable, quoi. Et il n'y a pas vraiment de qualification, tu vois, parce que du coup, on ne va pas dire si t'es un bon artisan ou un mauvais. Non, on n'a pas d'avis sur Google. Merci. On est d'accord. On va dire, tu peux très bien être un boulanger qui crame ses baguettes. Tu vois ce que je veux dire ? Ça s'appelle du pain bien cuit. Hein. Trop cuit aussi. Voilà, il y a un moment, on fait ce qu'on peut, quoi. Bah écoute, ce soir-là, on a fait ce qu'on a pu. Et moi, en première partie, franchement, c'était super cool. T'avais fait ton set où tu expliquais que tu ne souhaitais pas avoir d'enfant et tout. Et franchement, j'ai trouvé que c'était cool. T'avais l'attention des gens. Parce que l'avantage que t'as, toi, c'est que tu sors quelque chose... tu sors des sentiers battus, en fait. Bah, en fait, j'ai choisi d'avoir un spectacle qui traite du quotidien d'une trentenaire. Enfin, trentenaire, bon, elle a un peu ramassé, elle a un peu plus de 30 ans maintenant. Mais en fait, elle a que des galères. Et ce que j'aime, en fait, c'est que quand je sors de scène, les gens me disent « Eh ben, je suis contente de voir qu'il y a quelqu'un qui a une vie plus pourrie que la mienne. » Et voilà, je suis super contente quand les gens me disent ça, quoi. Je sais pas comment je le prendrais à ta place. Bah, je pleure beaucoup, mais c'est cool, non ? Et quand les gens te disent, ouais, vous avez une vie plus pourrie que la mienne, je fais, bah, écoutez, on fait ce qu'on peut, quoi. Bah, quelque part, tu diffuses du bonheur en partageant ton malheur, au final. Et c'est ça, et c'est là où nous sommes des artisans du rire. La boucle est bouclée, c'est parfait. C'est ça. Donc là, c'était la première anecdote qu'on a vécue ensemble et on en profite pour saluer les spectateurs et les organisateurs. Donc, c'était à Chauvigny, à côté de Poitiers. C'était super. Donc tu avais d'autres anecdotes que tu as vécues certaines. Ouais. Alors, j'en ai choisi une parce que je pense qu'on s'est tous, à un moment ou un autre, fait attraper par ce qu'on appelle le fameux dîner-spectacle. tu sais, le fameux truc où, en fait, les gens sont censés rire et regarder ton spectacle. Sauf que d'office, ça marche pas parce que si tu manges en même temps, bah, t'es obligé de cracher sur ton voisin, quoi. Donc, moi, sur ce principe-là, j'ai dit, bah, écoutez, je veux bien venir, mais par contre, je fais le spectacle après. Je suis plus de la team avant, tu vois, si on me donne le choix. Ah bah moi, on ne m'a pas trop laissé le choix. Donc, bah, en fait, si tu veux, sinon, j'aurais joué à 17h, parce que le temps qu'ils fassent l'apéro, qu'ils mangent. Ah oui, non, voilà. Non, d'accord. Là, c'était une question de timing. Tu étais obligé de jouer après. Mais c'est ça. Si on te propose avant ou après, genre les deux pareils, tu proposeras peut-être plus avant. Ah bah, je te confirme, voire même je ne ferai pas, parce que là, donc, je me suis retrouvée donc, à passer donc, prévu 22h30. On est d'accord, tu passes à minuit, hein, c'est à peu près logique. Et donc, je suis passée après l'apéro et surtout après une choucroute. donc, allez, je dresse à peu près l'histoire hein, pour que tout le monde ait un peu en tête. Donc, on est en plein hiver, il fait super froid. On est dans une salle surchauffée. Il y a, je ne sais pas, peut-être 45-50 personnes. Ils ont tapé l'apéro, mais bien, un bon apéro qui fait du bien. Et derrière, choucroute. Mmh. Et moi, j'arrive, c'est donc minuit, un truc comme ça. Je suis, mais épuisée. Enfin, franchement, moi, ça fait 2 heures, je suis sur les starting blocks, échauffée, remontée à bloc. Et donc, j'attends. Et alors, pour la petite histoire, donc, il y a... Allez, on va l'appeler Michel. Hein. Michel monte sur scène. Et puis, il fait « Ouais, allez, on a Charlotte. Alors, on y va, on l'encourage. Charlotte. » Sauf que moi, en fait, je ne peux pas rentrer parce que j'attends un top musique. Ah, et donc, oui. Le mec, il est chaud bouillant. « Charlotte. » Et au bout d'un moment, je suis obligée de sortir et lui faire bah, « En fait, j'attends juste que tu te barres parce que je ne peux pas rentrer. » Et là, le mec me dit « Ah non, mais c'est diva qui ne savent pas s'adapter. » Ah ouais, d'accord. Oula. Ah oui. Et là, tu fais « Waouh, bonne ambiance. Ouais, ça va être bon. » Il était énervé, le gars. Et bah, c'est surtout qu'il a attaqué en disant « Bon, bah, après la choucroute, on va se manger une Charlotte. » Waouh. J'imagine que tu le prends en première partie à chaque fois, maintenant. Bah attends, bah, il écrit mes sketchs. voilà. Donc, bon, j'arrive à le faire descendre de scène. Et donc, voilà, j'entre sur scène et il doit être à peu près minuit. Et il y a un moment dans mon spectacle, j'ai un sketch, si tu veux, qui est un peu plus calme. Et là, j'entends un... Et là, si tu veux, c'est un sketch avec un peu moins de lumière. Et je regarde dans le public. Et en fait, j'ai allez, André, on va l'appeler André, au premier rang, qui dort. Mais qui dort, genre, tu vois, il attaque sa nuit, quoi. Et en fait, je regarde ma montre, il est minuit et demi. Et là, je me rends compte qu'en fait, ils sont à l'apéro depuis 17h, qu'ils ont bouffé une choucroute, qu'ils ont dû descendre 1 litre de bière chacun. Ah bah, autant dire qu'il y en a un paquet qui sont endormis, quoi. Et j'ai fini mon spectacle, donc, avec bah, le premier rang, plus de 70 ans, qui étaient tous en train de pioncer, quoi. Oh là là là. Mais en fait, t'avais tout le cocktail, voilà, c'est exactement ce que t'as dit, tu vois, l'énumération que t'as faite. C'est ça. Tu avais tout le cocktail pour que les gens s'endorment parce qu'il était tard, ils avaient mangé, ils avaient bu. Il faisait hyper chaud dans la salle. Et puis, on ne va pas se voiler la face, quoi. Passer 70 ans avec ce qu'ils avaient. Enfin, il y en a plein d'autres qui s'endorment même de notre âge bien avant, quoi. Ah, largement. Dire passer 35 ans, ça marche aussi. Hein. On est bien d'accord. Donc, si tu veux, ouais, ça a été un moment vraiment super, super chaud, quoi. Vraiment super chaud. Ouais, je crois que aujourd'hui j'ai appris une chose, c'est que les dîners spectacles je fais plus, hein, m'appelez pas, je fais pas, je viens pas. Bah, tu fais les dîners spectacles, mais juste pour le dîner en fait, c'est-à-dire tu viens pour manger. Je vais juste bouffer moi. Ouais, ouais, pas, moi je voilà, regarde les autres. Jouer. Tu viens être invité à un dîner spectacle, mais pas en tant qu'artiste. Bah voilà, et surtout, bah, surtout en fait, si vraiment j'ai à intervenir, je pense que j'imposerai qu'ils bouffent une salade. Parce que vraiment, mais je te jure. Et puis alors, il faut imaginer. Hein, donc moi, j'ai un costume avec une grande robe et tout, mais elle sentait la choucroute. Oh, une horreur. Enfin voilà, c'était une vraie galère celle-ci. Oh là là là là là là. J'ose même pas imaginer combien de temps t'as mis à enlever l'odeur de saucisse et oh. Mais alors, j'ai envie de te dire, l'odeur c'est pas le pire. C'est surtout, tu sais, quand tu lèves les yeux puis que tu vois ce monsieur. Donc on va l'appeler Tonton André. Hein. Donc Tonton André qui pionce. Et à un moment ou un autre, t'as vraiment la question de dire, est-ce que je le réveille ou pas? Et du coup, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que... Eh ben, ce que j'ai fait, allez, tout le monde se lève et on tape tous des mains. Et du coup, il a fait un bond, il a fait tomber de sa chaise et je me suis vengée. Voilà, allez, c'est comme ça. Eh bien, écoute, en tout cas, on embrasse tous les Michel et tous les André qui nous écoutent. Les pauvres, ouais, on les embrasse. Oh là là, ah ouais, c'est dur, franchement, c'est dur. Ben, dîner spectacle, c'est compliqué de base. Et c'est pour ça que moi, évidemment... En étant moi-même passé par ce genre de galère, maintenant, quand on me laisse le choix, je dis aux gens, c'est soit avant, soit après, mais pas pendant. Et je sais qu'après, c'est plus dur, mais c'est quand même faisable. Mais le top, c'est vraiment avant. à condition qu'il n'ait pas commencé l'apéro à 17h, en effet. Ah bah c'est mort. Et puis à condition que tu ne joues pas pendant l'apéro. Parce qu'en fait, les gens, ils sont là pour se retrouver et ils n'ont rien à faire de ton spectacle et c'est chaud aussi. Mais oui, bien sûr. Bah, il faut pas demander aux gens d'être attentifs alors qu'ils sont là en train de discuter, ils voient des copains qu'ils n'ont pas vus depuis super longtemps. Premier réflexe qu'on a en tant qu'être humain, c'est que dès qu'on voit quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on y va. On lui parle. Et on lui parle, on discute, on sociabilise, quoi. On peut pas demander aux gens, ah, alors attends, je sais que tu viens de croiser Marcel que t'as pas vu depuis environ 34 ans, mais on te demande de fermer ta gueule parce que Charlotte est sur scène. C'est ça. Et puis t'imagines, donc moralité à tous les humoristes, ne prenez rien en dîner spectacle après le Covid, parce que les gens seront tellement contents de se voir, c'est mort. C'est clair. C'est quoi, ils ne laisseront même pas monter sur scène, ils seront sur scène eux. C'est clair, c'est clair. Ouais. Ils auront tous écrit pendant le Covid. Mais t'as vu combien on a eu de... Alors, tu vois, on en parlait tout à l'heure en off. En humoristes qui vont monter sur scène, je ne pense pas qu'on en ait beaucoup de plus perso, mais on a eu beaucoup de gens qui se sont lancés dans les blagues visuelles ou quoi, tu sais, les trucs qu'on partage et tout. Ça, on en a eu une recrudescence. Hein. Là, c'est clair. Hein. Ah bah là, oui, ça a augmenté. Mais eux, on va les mettre sur dîner spectacle et puis bah, nous, on va garder le reste. Ah ben ça peut être pas mal, oui, en effet, hein, franchement, c'est pas un souci, parce que là, il y a eu un... Ah, laisse tomber, hein, des blagues sur le papier toilette et les pâtes, il y en a eu à foison, quoi. C'est ça, bah, il y a un moment ou un autre, c'est ce qui nous a nourris aussi pendant quelques temps. Bah, alors, quand c'est fait artisanalement par un artisan du rire, on en revient toujours à ça. Oh, c'est ça beau, Sofiane. Non, mais, écoute, quand c'est fait par quelqu'un qui sait faire, ça va. Moi-même, un set sur scène sur le Covid, ça me dérange pas tant que c'est marrant. Mais quand c'est tonton André qui le fait... Et que c'est juste une blague vraiment de premier, tu sais, une blague de surface, quoi. Tu vois, vraiment le premier truc qui te vient à l'esprit, ça devient lourd quand ça fait la 14e fois que tu le vois passer sur ton feed, quoi. C'est ça. C'est dur, c'est dur. Donc, ben, on embrasse tous ceux qui ont fait de l'humour, qui ont essayé d'en faire. Ouais, voilà. Ça nous a fait plaisir. Mais je leur en veux pas. C'est le rire est un réflexe de défense, en fait. C'est un mécanisme de défense pour prendre de la hauteur sur les événements et sur le drame, quoi, tu vois. Donc, je leur en veux pas du tout. Le Covid, ça nous a tous chamboulés. Et puis, il y en a plein qui ont voulu se lancer dedans. Après, voilà, ceux qui vont en faire une vraie passion derrière et qui vont travailler et se remettre en question et tout, il n'y a pas de souci. Après, voilà, il y a eu pas mal, si tu veux. On a eu beaucoup de comment dire, il y a eu beaucoup de production d'humour. Et beaucoup de déchets dans le tas. J'en ai certainement fait partie, hein, comme tout le monde, hein, normal. Mais voilà, il y a à boire et à manger, comme on dit, quoi. Ouais, mais après, tu vois, ils viendront dans ton podcast pour parler de galères d'humoriste. J'imagine, ouais. Tonton André, on vous écoute. Bah écoutez, j'étais tranquille en train de mater un spectacle. Il y avait une femme sur scène. Moi, je voulais dormir, je venais de prendre mes médicaments. Et à ce moment-là, elle gueule. Tout le monde debout, on va taper dans les mains. Punaise, moi j'ai cru que c'était. Et on fait tourner les serviettes. Moi j'ai cru que c'était la guerre qui reprenait. Je suis tombé de ma chaise. Dis donc. Ouais, non, j'aurais peut-être pas rigolé à ce moment-là quand même. Non, mais c'était mignon. Et puis quelqu'un qui s'endort pendant un spectacle. Tu sais, c'est comment il s'appelle, Didier Gustin, qui m'a raconté qu'une fois, il a eu quelqu'un dans la salle qui s'était endormi et il a réussi à faire en sorte que tout le monde sorte de la salle discrètement, tu vois. Ah, genre, c'est génial. Et ils ont laissé le mec tout seul. Et du coup, le mec, quand il s'est réveillé, il a dû se demander combien de temps il avait dormi, tu vois. Mais en fait, tu vois, c'est ce qu'on disait aussi en off. En fait, ce qui est vraiment important, quand on est humoriste, mais quand on fait de la scène, c'est qu'on fait ça parce qu'on aime le public. Et je pense qu'à un moment ou un autre, on vit des choses avec eux. Tu vois, là, en t'écoutant, j'ai un autre exemple qui me vient en tête. Je joue en plein mois de juillet dans un festival qui existe depuis plus de 20 ans. Ils n'ont jamais eu de flotte. Jamais, jamais, jamais eu de flotte. J'attaque mon spectacle et il y a un énorme orage qui se met à exploser. Donc, on est en plein air. Hein, et l'orage explose pendant mon spectacle. Et en fait, tu as des gens donc, qui s'en vont et puis tu as des gens qui restent. Et donc, moi, je suis sur scène, je suis couverte. Et eux, ils sont dans le public sous la flotte. Et mon seul réflexe, ça a été de leur dire « Venez tous sur scène ». Oui, j'ai vu passer ça. J'ai vu. Ouais, c'était il y a deux ans. Et en fait, je fais monter le public sur scène. Et donc, tous les gens, alors on n'est pas à l'heure du Covid, hein, donc tous les gens se tassent les uns sur les autres. Et en fait, donc, on est tous sur scène. Et je me dis, mais on est en train de vivre un moment qui est juste hallucinant. Et j'étais en plein milieu d'un sketch, donc je vais terminer mon sketch. sur un bout de scène. Moi, je joue à moitié sous la flotte. Il y a les techniciens qui sont en panique en disant « Bon Dieu, elle a le micro, etc. Comment on va faire ?» Et moi, je joue à moitié sous la flotte et le public est couvert sur scène. Et je pense que quand on choisit de faire ce métier-là, on choisit aussi… Bah, alors, les galères, t'en as fait un podcast, mais je pense qu'on choisit aussi de faire ce métier-là pour ces moments-là, pour ces moments parce qu'on aime le public, qu'on a envie de vivre des choses avec eux. Et quoi que ce soit, en fait, c'est ça aussi qui fait partie du jeu. Tu vois, ce que te disait Dégustant, bah, il y a un moment, tu te dis, bah, ok, bah, on y va. Bah, il s'est endormi, bah, ça arrive à tout le monde de s'endormir, il a peut-être passé une grosse journée. Et en fait, voilà, on a envie de kiffer avec eux et de profiter avec eux. Bien sûr, bah, c'est des moments uniques. En fait, le public se dit, c'est pas quelque chose qui va se passer tous les soirs. Donc voilà. Mais là, c'est quand même beau ton histoire. Et je trouve que c'est bien parce que ça reflète exactement l'amour qu'on a pour les gens. Parce que toi, tu es là, genre, mais je suis tellement contente qu'ils soient restés avec moi que j'ai envie de prendre soin d'eux. Donc venez à l'abri, tu vois. Donc vraiment. Tu leur as montré que tu les aimais. Et quelque part, j'ai envie de te dire, tu dis que ce festival, il n'a jamais eu de flotte en 20 ans. Et là, toi, tu arrives et c'est un orage. Est-ce que ce n'est pas parce que le public t'a tellement kiffé qu'ils ont eu un coup de fou pour toi? Ah, oh, c'est beau. Alors, pour info, je vais rejouer dans ce festival et je pense que je vais te piquer ta vanne. Parce que je la trouve très forte. Donc, attends, je note en même temps, excuse-moi. Mais je ne sais pas s'ils ont eu un coup de foudre, mais ce qui est sûr, c'est que quelques temps après, j'ai recroisé des gens qui m'ont vu et qui s'en sont rappelés. Et je sais que ce soir-là, on a juste vécu un moment magique. Parce qu'effectivement, déjà, il y a plein de gens qui ne sont jamais montés sur scène. Il ne faut pas l'oublier, ça. Mmh. Donc là, ils se sont retrouvés bah, face à bon, un public vide, hein, parce qu'il pleuvait tellement. Mais face, voilà, en se disant, bah, qu'est-ce qui se passe en tant qu'artiste, c'est ça. Et j'ai trouvé ça génial. Et j'ai joué sur, allez, sans te mentir, peut-être quoi, 3 mètres de large. Tu vois, pour terminer le spectacle, les gens étaient debout. Il y avait quelqu'un qui s'est carrément assis sur un morceau de mon décor parce que... bah, elle était mieux comme ça. et donc, j'ai juste terminé mon sketch. Et ouais, je crois que c'est un de mes plus beaux moments. Une grosse galère parce qu'un gros coup de stress. Et je te jure, il y avait des techniciens qui me regardaient en disant « Mais couvre-toi, bon Dieu, mais couvre-toi !» Mais c'était cool, c'était cool. Ah bah oui, bah là, le public, je comprends tout à fait qu'ils s'en souviennent parce que c'est quelque chose que tu vivras pas. Tu vois, des spectacles, tu as beau en avoir vu 20 000, il y en a un dans le tas dont tu te souviendras toute ta vie. C'est celui où l'artiste t'a dit « Attends. » Tu vois, il a cassé le quatrième mur et il t'a dit « Attends. » Viens sur scène, viens te mettre à l'abri. Je t'aime tellement que je veux que tu sois bien et je veux que tu n'attrapes pas froid et tout, tu vois. Donc, c'est-à-dire, en gros, vous avez fait l'effort de rester avec moi malgré l'orage. Je vais faire l'effort de partager la scène avec vous. Et par contre, ça devait être marrant. Les gens, tu vois, à qui on a demandé après par la suite, vous êtes déjà monté sur scène dans votre vie? Et les gens font ouais. Et après, vous faisiez quoi? De la musique, de l'humour? C'est compliqué. C'est ça. Mais je crois que c'est un de mes plus beaux souvenirs de scène parce que réellement, c'est là où tu te dis, tu sais pourquoi tu fais ce métier-là. C'est pour partager des choses avec les gens. Eh bien, moi, je trouve que c'est beau. C'est exactement l'état d'esprit du spectacle vivant. On veut que les gens partagent des moments avec nous. Là, tu en as partagé un beau avec eux. Quand tu y retourneras, il y aura très certainement des gens qui étaient là la première fois. Tu pourras en jouer, il n'y a pas de souci. Concernant la vanne, bah, je pense que Copy Comic a écouté, donc tout va bien, tu peux la prendre. Boum! Allez, on sait que je vais avoir un procès. Merci Sophia, ça m'a fait plaisir. Ça y est, tu vas avoir ton procès, il n'y a pas de problème. Écoute, le prochain épisode, parce que j'enregistre des épisodes retour avec les invités de temps en temps, le prochain épisode, on l'enregistrera au parloir. Super, génial. En plus, on n'aura pas de problème de connexion. Parfait Sophia, je prends. Ah non, mais franchement, non, mais, hey, je pense que de toute façon, tu allais la faire. Je pense que tu y avais déjà pensé, non? Pas du tout. Donc en vrai, tu m'as vraiment sauvé la mise et j'ai vraiment noté sur un bout de papier. Il n'y a pas de souci. Non, franchement, t'inquiète pas, c'est avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Mais je trouve ça tellement beau. Tu vois, les éclairs et tout qui arrivent comme ça. Et toi, tu te dis, ben, en fait, c'est le fameux coup de foudre. Et quelque part, c'est ça parce que tu les aimais tellement que tu as voulu prendre soin d'eux. Et eux, ils ont pris soin de toi en t'accordant leur attention et tout. Et s'asseyant sur mon décor. Et en s'asseyant sur ton décor. Alors, ils ont pris soin de toi, ils n'ont pas pris soin de ton décor, d'accord? Voilà, On va être clair sur les mots. Franchement, moi, je trouve qu'il y a eu un bon moment, une cohésion entre toi et ton public. Et je peux que te souhaiter à toi, à moi, ainsi qu'à tous les humoristes qui écouteront ce podcast, de vivre des moments comme ça, parce que c'est un vrai moment de partage et de... c'est comme si vous ne faisiez qu'un, au final, avec le public, tu vois. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est ça pour toi, mais... quand je rentre sur scène, en fait, il y a vraiment ce côté où de me dire bah, je suis juste là pour partager. Alors, aimez pas, je m'en fous. Juste, je veux qu'on partage un moment avec vous. Et c'est ce qui fait, bah, voilà, c'est ce qui fait la richesse de notre taf, je pense. Enfin, moi, en tout cas, ça fait partie des richesses de mon taf. Ouais, mais c'est comme ça que je le vois aussi. C'est un moment de partage. Je vais monter sur scène, je vais vous offrir quelque chose. J'espère que vous allez l'aimer. Que vous l'aimiez ou pas, je vais vous l'offrir de la même façon. Je vais essayer en tout cas. Grave. Je vous le donne. Moi, je vous le donne. Hein. Les gars, vous aimez pas, je vous le mets quand même. Hein. Non, voilà. Je vous le mets quand même. Voilà. Je vais vous présenter ce que d'autres personnes ont aimé avant. Est-ce que, ou des fois quand c'est du nouveau, je vais vous présenter ce que j'estime qui a l'air drôle. J'espère que vous le trouverez drôle. Voilà, c'est comme si tu es chef d'un restaurant et que tu testes un nouveau plat, tu l'amènes au client, tu te dis j'espère que ça va prendre, tu vois. Testez, mesdames et messieurs, si jamais vous aimez, ce sera validé, ce sera dans notre carte. Là, toi, c'est mesdames et messieurs, je vous propose ça. Si vous le validez, ce sera dans mon spectacle. Tu vois, c'est ça. C'est exactement ça. C'est du test, quoi. Et puis, je vous aime tellement que je vous fais confiance. Allez-y, donnez-moi, faites-moi un retour. Et puis, de toute façon, le retour, il est naturel parce que le rire est un réflexe. Donc, si je vois que ça vous a fait kiffer, eh ben, ce sera dans le spectacle. Si je vois que vous n'avez pas adhéré, je vais retravailler. Je ne vais pas rejeter votre retour. Je vais juste le prendre en compte et me dire la prochaine fois, il faudra que ce soit un peu plus comme ça. La prochaine fois, je mettrai un peu moins de sel, je mettrai un peu plus de... la sauce sera un peu plus onctueuse, je sais pas, tu vois. Je mettrai du piment. Je mettrai du piment, voilà, ben, pour les gens qui aiment le piquant. Pour les gens qui aiment l'humour très piquant, la prochaine fois, je vous en mettrai un petit peu plus. Peut-être que vous apprécierez, tu vois, voilà. J'ai l'impression que la scène, en fait, ce sont des recettes de cuisine qu'on essaye en live et les gens nous disent s'ils aiment ou pas, tu vois. Et des fois... ils reviennent te voir et tu dis mais l'autre jour t'as déjà mangé, et il te dit mais j'ai tellement aimé que je veux en remanger. Et ben sois le bienvenu, installe-toi, lave-toi les mains et voilà ta fourchette, tu vois, c'est ça. Et puis il y a ça, et puis il y a vraiment ceux qui aussi qui vont prendre à emporter, c'est-à-dire les gens qui ont pas forcément tu vois sur le coup ils ont pas adhéré ou des trucs comme ça, et puis tu les recroises après et ils te sortent une vanne que t'as faite pendant ton spectacle ou un sketch, et là tu fais ah ouais mon gars, en fait t'as peut-être pas kiffé sur l'instant, mais par contre sur le long terme ça fait de l'effet. Et c'est toujours un bonheur énorme d'entendre ça. Bien sûr, et c'est comme ceux qui vont te dire, tu vois, tu vas les regarder pendant tout le spectacle, ils ont pas décroché le moindre rictus, et à la fin du spectacle ils viennent te voir et ils te disent qu'ils ont adoré, quoi. Exactement, exactement. Ou alors tu sais, quand tu prends quelqu'un à partie dans le public, ça arrive, tu prends quelqu'un à partir dans le public et en fait tu vois le mec ou la nana. Moi ça m'est arrivé une fois, je prends un mec à partir dans le public, oh, il était gêné le pauvre, mon dieu, ça a été une catastrophe. Du coup moi j'ai surkiffé, donc je lui en ai mis mais plein la gueule. Donc ce mec là il a tout fait pendant mon spectacle, hein. Il a tout ramassé, et à la fin du spectacle il y a son père qui vient me voir et qui me dit vous avez mis très mal à l'aise mon fils. Il avait 25 ans son fils, hein. Il me dit vous l'avez mis très mal à l'aise, mais je crois en fait qu'il va revenir parce qu'il a adoré être mal à l'aise. Et j'ai trouvé ça très drôle. Bon, du coup, j'ai quand même pris son numéro, on est allé boire un café. Mais voilà, en tout cas, c'était sympa. Oh ouais, bah c'est beau ça quand même. Ben, on a toujours peur, tu vois, de choisir la mauvaise personne ou quoi dans le public quand on a besoin de faire une interaction avec quelqu'un. Mais c'est vrai que là, c'est la première fois que j'entends que quelqu'un qui a été très mal à l'aise ne demande qu'une seule chose, c'est de revenir ressentir la même chose. C'est quand même ouf. Après, je pense que c'était le fils du patron de la salle. Je pense que ça a joué. Mais tu sais, dans la salle, tu as toujours des gens qui vont adhérer ou pas. C'est comme quand tu as tes potes dans la salle. Hein. Tes potes dans la salle, alors tu as les soit hyper discrets qui sont juste là pour t'encourager, même si tu fais un énorme bide, ils sont là, vas-y, t'es la meilleure, vas-y à fond. Et puis tu as ceux qui sont limite, tu as envie de les gifler parce qu'ils font ouh, on est là, coucou, on est là. Tu as envie de leur dire ta gueule, en fait, je te connais pas. Donc tu as tout dans le public. Mais c'est ça le spectacle vivant, parce que si on avait toujours le même public, ce serait figé, tu vois. Alors que là, ça bouge. Un coup, tu peux te retrouver avec un monsieur qui s'endort et avec tonton André qui s'endort, tu vois, et t'es obligé d'improviser dessus. Un coup, tu peux avoir des amis genre complètement tarés, tu vois, qui vont... Ils viennent avec des banderoles. Imagine, ils viennent avec des banderoles. Ça, ça, ça, ça. Oh là là. Et oui, limite ça, tu vois. Des fois, tu as aussi les gens... Alors moi, je l'ai eu il y a quelques épisodes là. Quelqu'un qui m'avait dit que... je crois que c'est Amaya qui m'avait dit qu'elle avait une copine dans la salle et... sa copine n'a pas décroché un rire, en fait, elle était très discrète. Oh. Et après, à la fin, elle lui a dit « j'ai pas osé rire ». Oh, c'est horrible. Et c'est l'inverse. Et ça part pas d'un mauvais sentiment. C'est en mode « je veux pas te déranger ». Mais justement, non, lâchez-vous. Mais tu sais, moi, j'ai ma mère qui vient voir le spectacle. Et ma maman, elle connaît les histoires. Mais le problème, c'est que je raconte des histoires où j'ai pas forcément envie que ma maman sache tout. Et combien de fois, ma mère, en fait, je la vois, alors elle ne rit pas. Elle a le visage très fermé, mais elle fait des mouvements de tête. Et je crois que c'est pire. Tu vois, les mouvements de tête de maman, tu fais « Oh punaise, oh la discussion dimanche à midi, ça va être coton, ça. Ouh, ça va être coton. » Et quand elle découvre un nouveau sketch, genre l'année dernière, elle a découvert un nouveau sketch, et je l'ai vu faire ce mouvement de tête tout le long du sketch, et je savais que le prochain repas de famille, j'allais y avoir droit. Pas loupé. Ma fille, faut qu'on parle. Donc c'est ça qui est aussi fun, et tu partages, voilà, tu sais, on en revient à ça, c'est un public... Ça peut être tout et n'importe quoi, des gens que tu connais, des gens que tu connais pas, des gens qui te connaissent et que tu ne connais pas, parce que ça, ça arrive aussi. Des collègues de boulot qui vont te voir avec un œil complètement nouveau, ça, c'est très drôle aussi. Et en fait, c'est ce qui fait la richesse et c'est ce qui fait que, bah, voilà, moi, je kiffe et quel que soit le public, bah, on y va. Voilà, on gèle dans la gueule du loup et puis on voit ce que ça donne, quoi. C'est exactement ça, on prend tout et c'est ça le spectacle vivant. Et concernant ta maman, du coup, qui avait été choquée par l'histoire que tu avais racontée. Est-ce que tu as mis beaucoup de temps à recoller la page du livret de famille qu'elle avait déchiré ou pas ? Alors, tu plaisantes, mais alors elle n'a pas déchiré le livret de famille. Par contre, effectivement, il y a des sketchs, c'est toujours très délicat de les jouer devant ma famille. Ça fait des années et je t'assure que quand j'arrive à ce moment-là et que dans la salle, je me dis « Oh punaise, alors il y a tonton, oh là là, il y a parrain, oh là là !» Ouh là là, et ouais, c'est toujours chaud. Donc, je n'ai pas de page de livret de famille, quoique je ne l'ai jamais vérifié. Ah ouais, je comprends. C'est vrai que c'est dur hein, de jouer devant sa famille. Tu sais, même en parlant de jouer du tout public, hein, y a le regard de la personne qui te connaît et en fait, tu as une pression supplémentaire parce que tu te dis « je ne veux surtout pas bider, je ne veux surtout pas que ça se passe mal, je veux vraiment que cette personne-là reparte en se disant bah, « elle a raison de monter sur scène ». Bah, en fait, quand tu joues devant ta famille, j'ai un souvenir de mon parrain, il ne m'avait jamais vu sur scène, et il est venu me voir et à la fin, il me dit bah, « je ne m'attendais pas à ça ». Et tu me regardes et tu fais bah, « tu t'attendais quoi ?» Bah, je ne sais pas, mais je ne m'attendais pas à ça. Et toi, tu te retrouves avec ça, tu fais « Ok, bon, bah, je vais prendre ça positif. » Mais c'est assez rigolo parce que face à ta famille, en fait, ils te connaissent. Alors, même si tu fais des pestacles hein, depuis que t'es petit, ils te voient sous un registre différent. Et c'est assez rigolo de voir que t'es vaillant en eux. Et puis, quand ils rigolent à tes vannes, ça a une saveur tellement particulière. Ah oui. Tu sais, quand tu racontes des souvenirs, quand tu racontes des anecdotes, bah, c'est le cas aussi pour ton spectacle. Tu racontes des anecdotes de ta vie, de choses comme ça. Et quand tu les vois rire, il y a des fois, tu te dis, toi, tu comprends ce qu'il y a derrière. Tu sais ce qui s'est passé derrière. Et c'est juste génial parce qu'une fois encore, bah, tu partages avec ton public. C'est vrai. Bah oui, quand tu entends les gens, surtout quand ce sont des protagonistes de tes histoires qui rient alors que tu les racontes et ils connaissent l'histoire, tu réussis à les faire rire avec quelque chose qu'ils connaissent déjà. C'est vraiment magnifique, c'est un sentiment vraiment incomparable. Et là, tu vois, je me dis que peut-être un jour, je te rappellerai pour faire un autre podcast, si un jour, dans le public, il y a mes ex qui viennent. Parce que dans mon spectacle, je les liquide, hein. je les défonce. Et je me dis, si un jour, ils viennent dans la salle, je pense que je pourrais te rappeler, parce qu'à mon avis, je pense que ça va mal se passer. Et ça pourrait être très drôle. Ah ben, j'ai qu'une hâte, c'est qu'ils viennent. C'est quoi ? Limite, je suis chaud pour leur payer leur place. Et ben écoute, voilà, message donné. Messieurs qui avaient partagé ma vie, et ben écoutez, venez à mon spectacle et je pense que ça peut être peut-être pas un bon moment pour vous, mais moi, je risque de profiter, ouais. Et ben tu sais quoi ? Tu seras la bienvenue pour un épisode retour dans le podcast et j'espère que d'ici là, on pourra le faire en live, en direct. Face à face, parce que là, forcément, Skype, c'est pratique, mais bon, c'est vraiment pour. C'est un palliatif. Hein, en attendant de reprendre la vraie vie et les vrais enregistrements, là, on n'est pas encore remonté sur scène au moment où on enregistre. Donc, on profite du temps qui nous est offert pour l'instant pour pouvoir enregistrer à distance. Mais bien évidemment, le mieux, comme le spectacle vivant est bien meilleur en live qu'en DVD, le podcast vivant l'est également. Donc voilà, merci beaucoup Charlotte, c'était un vrai plaisir de recueillir tes anecdotes. Et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Alors, Instagram et Facebook, sur Charles Hot, H-O-T, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est pas la Hot du Père Noël, hein, c'est le Hot. Voilà. Je mettrai les liens, tu as une chaîne YouTube également ? Oui, j'ai une chaîne YouTube également, ouais. Eh bien écoute, je mettrai les liens vers Facebook, Instagram et YouTube. Et ouais. Voilà, avec grand plaisir. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.